la solitude de l'Amérique latine. Antonio Pigafetta, un navigateur florentin qui a accompagné Magellan lors du premier voyage autour du monde, a écrit à l'occasion de son passage par notre Amérique méridionale une chronique rigoureuse qui apparaît cependant comme une aventure de l'imagination. Il raconta qu'il avait vu des cochons avec le nombril dans le dos et quelques oiseaux sans pattes dont les femelles couvaient dans le dos des mâles et d'autres comme des pélicans sans langue dont les becs ressemblaient à une cuillère. Il raconta qu'il avait vu une créature animale avec une tête et des oreilles de mule, un corps de chameau, des pattes de cerf et un hennissement de cheval. Il raconta que le premier autochtone qu'ils ont trouvé en Patagonie, ils l'ont mis en face d'un miroir et que ce géant exalté a perdu l'usage de la raison par la frayeur de sa propre image. Ce livre bref et fascinant, dans lequel se perçoivent déjà les germes de nos romans d'aujourd'hui, n'en est pas moins le témoignage le plus étonnant de la réalité de ces temps-là. Les chroniqueurs de l'Amérique nous ont légué d'autres histoires irracontables. L'Eldorado, notre pays illusoire si convoité, a figuré dans de nombreuses cartes pendant de longues années, en changeant de lieu et de forme selon l'imagination des cartographes. À la recherche de la fontaine de la jeunesse éternelle, la mythique Alvar Núñez Cabeza de Vaca a exploré 8 ans durant le nord du Mexique dans une expédition folle dont les membres se sont mangés entre eux, et seuls 5 des 600 qu'ils ont entrepris sont arrivés à destination. L'un des nombreux mystères qui n'ont jamais été élucidés est celui des 11 000 mules chargées de 100 livres d'or chacune qui un jour sont sorties de Cusco pour payer le sauvetage d'Atahualpa et qui ne sont jamais arrivés à destination. Plus tard, pendant la colonie, se vendaient à Carthagène quelques poules élevées dans des terres d'alluvion dans les gésiers desquelles se trouvaient de petits cailloux d'or. Ce délire doré de nos fondateurs nous a poursuivis jusqu'il y a peu. À peine au siècle passé, la mission allemande chargée d'étudier la construction d'un chemin de fer interocéanique dans l'isthme du Panama a conclu que le projet n'était viable qu'à la condition que les rails ne fussent pas faits en fer, qui était un métal peu abondant dans la région, mais en or. L'indépendance gagnée vis-à-vis de la domination espagnole ne nous a pas mis à l'abri de la démence. Le général Antonio López de Santana, qui a été 3 fois dictateur du Mexique, a fait enterrer avec des funérailles magnifiques sa jambe droite qu'il avait perdue dans la dite « Guerra de los Pasteles ». Le général Gabriel García Moreno a gouverné l'Équateur pendant 16 ans comme un monarque absolu, et son cadavre a été veillé, vêtu de son uniforme de gala et de sa cuirasse de décoration, assis dans le fauteuil présidentiel. Le général Maximiliano Hernández Martínez, le despote théosophe du Salvador, qui a fait exterminer dans un massacre barbare 30 000 paysans, avait inventé un pendule pour vérifier si les aliments étaient empoisonnés et a fait couvrir d'un papier rouge l'éclairage public pour combattre une épidémie de scarlatine. Le monument au général Francisco Morazán, érigé sur la place la plus grande de Tegucigalpa, est en réalité une statue du maréchal Ney, acheté dans un dépotoir de sculptures usagées à Paris. Il y a 11 ans, l'un des poètes insignes de notre temps, le chilien Pablo Neruda, a illuminé cet ancêtre avec son verbe. Dans les bonnes consciences de l'Europe, et parfois aussi dans les mauvaises, ont fait irruption depuis ce temps-là, avec plus de force que jamais, les nouvelles fantomatiques de l'Amérique latine, cette patrie immense d'hommes hallucinés et de femmes historiques dont l'entêtement sans fin se confond avec la légende. Nous n'avons pas eu un instant de calme. Un président prométhéen retranché dans son palais en flammes est mort en se battant seul contre toute une armée. Et 2 catastrophes aériennes suspectes et jamais éclaircies ont tranché la vie d'un autre au cœur généreux ainsi que celle d'un militaire démocrate qui avait restauré la dignité de son peuple. Il y a eu 5 guerres et 17 coups d'État. Et a surgi un dictateur luciférien qui, au nom de Dieu, a mené le premier ethnocide de l'Amérique latine de notre temps. Pendant ce temps, 20 millions d'enfants latino-américains mouraient avant d'atteindre l'âge de 2 ans, ce qui est plus que tous ceux qui sont nés en Europe depuis 1970. En raison de la répression, il y a eu presque 120 000 disparus. C'est comme si aujourd'hui, on ne savait pas où sont passés tous les habitants de la ville d'Uppsala. De nombreuses femmes enceintes ont été arrêtées ou ont accouché dans des prisons argentines, mais on ignore encore le destin et l'identité de leurs enfants, qui ont été donnés en adoption clandestine ou enfermés dans des orphelinats par les autorités militaires. Pour ne pas vouloir que les choses continuent ainsi, près de 200 000 femmes et hommes sont morts sur tout le continent et plus de 100 000 ont péri dans trois petits pays déterminés de l'Amérique centrale, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala. Si c'était aux États-Unis, le chiffre en proportion équivaudrait à 1 600 000 morts violentes en 4 ans. Du Chili, un pays aux traditions hospitalières, a fui 1 million de personnes, 12% de sa population. L'Uruguay, une nation minuscule de 2,5 millions d'habitants, qui se considérait comme le pays le plus civilisé du continent, a perdu dans l'exil un citoyen sur cinq. La guerre civile au Salvador a causé presque un réfugié toutes les 20 minutes depuis 1979. Le pays qu'on pourrait faire avec tous les exilés et immigrés forcés d'Amérique latine aurait une population plus nombreuse que la Norvège. J'ose penser que c'est cette réalité extraordinaire et pas seulement son expression littéraire qui cette année a mérité l'attention de l'Académie suédoise de lettres. Une réalité qui n'est pas celle du papier, mais qui vit avec nous et détermine chaque instant de nos innombrables morts quotidiennes et qui soutient une source de création insatiable, pleine de malheur et de beauté, de laquelle ce Colombien errant et nostalgique n'est qu'un parmi d'autres plus distingués par la chance. Poètes et mendiants, musiciens et prophètes, guerriers et racailles, toutes les créatures de cette réalité effrénée, nous avons eu très peu à demander à l'imagination, parce que le plus grand défi fut pour nous l'insuffisance des ressources conventionnelles pour rendre notre vie croyable. C'est cela, amis, le nœud de notre solitude. Donc, si ces difficultés nous engourdissent, nous qui sommes faits de celles-ci, il n'est pas difficile de comprendre que les talents rationnels de ce côté du monde, extasiés dans la contemplation de leur propre culture, soient restés sans méthode valable pour nous interpréter. Il est compréhensible qu'ils insistent pour nous mesurer du même étalon avec lequel ils se mesurent eux-mêmes, sans rappeler que les épreuves de la vie ne sont pas égales pour tous, et que la recherche de l'identité propre est aussi ardue et sanglante pour nous qu'elle le fut pour eux. L'interprétation de notre réalité, avec des schémas étrangers, contribue seulement à nous rendre de plus en plus méconnus, de moins en moins libres, de plus en plus solitaires. Peut-être l'Europe vénérable sera plus compréhensive si elle essayait de nous voir à travers son propre passé, si elle se rappelait que Londres a eu besoin de 300 ans pour construire sa première muraille et de 300 autres pour avoir un évêque, que Rome s'est débattue dans les ténèbres de l'incertitude pendant 20 siècles avant qu'un roi étrusque ne l'implantât dans l'histoire, et qu'encore au XVIe siècle, les Suisses pacifiques d'aujourd'hui, qui nous enchantent avec leur fromage doux et leur montre impavide, ensanglantèrent l'Europe avec leurs soldats de fortune. Encore à l'apogée de la Renaissance, 12 000 lansquenets à la solde des armées impériales pillèrent et dévastèrent Rome, et tuèrent à coups de couteau 8 000 de ses habitants. Je ne cherche pas à incarner les illusions de Tonio Grogger, dont les rêves d'union entre un Nord chaste et un Sud passionné exaltait Thomas Mann il y a 53 ans en ce même lieu. Mais je crois que les Européens d'esprit éclairé, ceux qui luttent aussi ici pour une grande patrie plus humaine et plus juste, pourraient mieux nous aider s'ils révisaient à fond leur manière de nous voir. La solidarité avec nos rêves ne nous fera pas sentir moins seuls tant qu'elle ne se concrétisera pas par des actes de soutien concrets au peuple qui assume l'illusion d'avoir une vie propre au sein même de la répartition du monde. L'Amérique latine ne veut pas ni n'a de quoi être un fou agissant à sa guise, et il n'y a rien de chimérique à ce que ses desseins d'indépendance et d'originalité deviennent une aspiration occidentale. Cependant, les progrès de la navigation qui ont réduit tant de distance entre nos Amériques et l'Europe semblent avoir augmenté en revanche notre distance culturelle. Pourquoi l'originalité qu'on nous admet sans réserve dans la littérature nous est refusée avec toutes sortes de suspicions dans nos si difficiles tentatives de changement social? Pourquoi penser que la justice sociale que les Européens d'avant-garde essayent d'imposer dans leur pays ne peut pas aussi être un objectif latino-américain avec des méthodes distinctes et dans des conditions différentes? Non, la violence et la douleur démesurées de notre histoire sont le résultat d'injustices séculaires et d'amertumes innombrables et non pas le fait d'un complot ourdi à 3 000 lieues de notre maison. Mais nombre de dirigeants et penseurs européens l'ont cru, avec l'infantilisme de grands-parents qui ont oublié les folies fructueuses de leur jeunesse, comme s'il n'était pas possible de vivre un autre destin que celui d'être à la merci des deux grands propriétaires du monde. Telle est, amis, l'ampleur de notre solitude. Cependant, face à l'oppression, au pillage et à l'abandon, notre réponse reste la vie. Ni les déluges, ni les pestes, ni les famines, ni les cataclysmes, ni même les guerres éternelles à travers des siècles et des siècles n'ont réussi à réduire l'avantage tenace de la vie sur la mort. Un avantage qui augmente et s'accélère. Chaque année, il y a 74 millions de naissances de plus que de décès, une quantité de vivants nouveaux, comme si on augmentait 7 fois chaque année la population de New York. La majorité d'entre eux naissent dans des pays avec moins de ressources, et parmi ceux-ci, bien sûr, ceux d'Amérique latine. En revanche, les pays les plus prospères ont réussi à accumuler assez de pouvoir de destruction comme pour anéantir 100 fois non seulement tous les êtres humains qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, mais la totalité des êtres vivants qui sont passés par cette planète d'infortune. Un jour comme celui-ci, mon maître William Faulkner a dit dans cette enceinte « Je me refuse à admettre la fin de l'homme. Je ne me sentirais pas digne d'occuper cet endroit qui fut le sien si je n'avais pas pleine conscience du fait que pour la première fois, depuis les origines de l'humanité, la catastrophe colossale qu'il se refusait à admettre il y a 32 ans est maintenant rien de plus qu'une simple possibilité scientifique. » Devant cette réalité saisissante qui, à travers tout le temps humain, a dû apparaître comme une utopie, nous, les inventeurs de fables qui croyons à tout, nous nous sentons le droit de croire que n'est pas encore trop tard pour entreprendre la création d'une utopie contraire, une nouvelle et triomphante utopie de la vie où personne ne peut décider pour les autres jusqu'à sa manière de mourir, où en toute certitude soit vrai l'amour et soit possible le bonheur, et où les lignées condamnées à 100 ans de solitude aient enfin, et pour toujours, une deuxième chance sur la terre.